Radio Galaxy. Galaxy. The Empire of House Music. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Oh, Atlantique, c'est un instant pour commencer cette première heure. Bonjour à vous tous, très heureux d'être avec vous pour une nouvelle émission. C'est parti After, on est ensemble jusqu'à midi. Thank you. The Empire of House Music. I think that we should get back. sur Galaxy. C'est Anis qu'on aime retrouver sur les platines de Galaxy. Un instant avec Alanis Morissette. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes à l'intérieur de Party After. On est ensemble jusqu'à midi, juste avant de retrouver les informations de proximité présentées par Stéphane. Voici tout de suite Simply Red avec le titre Homme. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Nothing else but love. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. par lâche, jeudi 14 février 15h au centre socio-éducatif de Waterloo. Une nouvelle représentation de l'atelier patoisan, si cher à nos cœurs, tout en sketch et chansons picardes. Entrée libre, mais réservation souhaitée en appelant le 03 20 81 59 45. Benrico en concert, vendredi 15 février 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Venez y découvrir notamment Ton Image, son tout nouvel album. La première partie est assurée par Rodrigue. Réservation sans plus attendre, office de tourisme, 03 20 75 85 86 ou info web benricourt.com. Sens ascensionnel, samedi 16 février 20h au foyer culturel de Péruvet. Théâtre fiction avec la pièce La Cellule par la compagnie Sens Ascensionnel à l'occasion de la semaine de l'altermondialisme. Gratuit jusqu'à 12 ans. Pour les autres, 00 32 69 45 42 48 ou centreculturel.p@skynet.be. V-Squad en concert mercredi 20 février 20h30 à la boîte à musique Waterloosienne. Une belle soirée punk rock survitaminée avec également le groupe BAM en première partie. Renseignements et billetterie 03 20 75 85 80. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com. Galaxy. It's no good. case 3. 24 hours a day. Only the biggest hits. This is Galaxy. We're gonna rise, rise, rise, keep on rising, rise, rise. This is Kim Cooper. Kim Cooper. Kim Cooper. I'll tell you what I mean. I'm here tonight to praise the beauty of that elusive creature called man. And I don't mean his brains or even his brawn. No, no, no, no. I want to go further down. Down. Down. Past his pulsing heart. Down. To the valley of his lust. Let me paint you a picture. Let me take you to that wonderland that lies between heaven and hell, yin and yang, great and small. Too sexy. Yeah. I'll show you mine if you show me yours. He's the peaches in your cream. He's the one that makes you ow, scream. Oh, I think I'm done now. I'm released, set free. It's just all too sexy. You wanna come, you hold the key. You're so sexy, sexy, sexy. So, so sexy, sexy, sexy. Un instant avec le titre So Sexy. Merci de votre grande fidélité. Galaxy vous donne l'heure, il est pile poil 11h. Ah. Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. just come on over. You gotta move. Come on over. Just come on over. Do you feel it? I want you, baby. Come on. Just come on over. You gotta move. Come on over. C'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. down, we stand up to get down. We'll be right back. À l'instant, c'était une des dernières découvertes de Galaxy du côté de la trance avec System 7 avec le titre Space Bird avec le sur le label Wellwave. Ne bougez pas, comme tout à l'heure, on se retrouve juste après les informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. On se retrouve juste après ça. Rendez-vous nous par l'H, jeudi 14 février 15h au centre socio-éducatif de Waterloo. Une nouvelle représentation de l'atelier patoisan, si cher à nos cœurs, tout en sketch et chansons picardes. Entrée libre, mais réservation souhaitée en appelant le 0320 81 59 45. Ben Rico en concert, vendredi 15 février 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Venez y découvrir notamment Ton Image, son tout nouvel album. La première partie est assurée par Rodrigue. Réservation sans plus attendre, office de tourisme, 0320 75 85 86 ou info web benricourt.com. Sens ascensionnel, samedi 16 février 20h au foyer culturel de Péruvet. Théâtre fiction avec la pièce La Cellule par la compagnie Sens Ascensionnel à l'occasion de la semaine de l'altermondialisme. Gratuit jusqu'à 12 ans. Pour les autres, 0032 69 45 42 48 ou centreculturel.p@skynet.be. V-Squad en concert mercredi 20 février 20h30 à la boîte à musique Waterloosienne. Une belle soirée punk rock survitaminée avec également le groupe BAM en première partie. Renseignements et billetterie 0320 75 85 86. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com. Galaxy. Merci Stéphane, vous l'aurez compris, voici tout de suite la dernière demi-heure pour terminer cette matinée. Tout à l'heure aux alentours de midi, c'est Tom que vous retrouverez pour Session House, suivi de Michael H. Sharkham suivra Steve Mandray, sans oublier aussi notre ami Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude, comme tous les dimanches à partir de 22h, une heure pour se relaxer. Ce soir, ça sera la 195e émission de Prélude et juste après, vous redécouvrirez SICK pour les sessions hardcore comme tous les dimanches de 23h à 1h. Mais voici tout de suite le dernier Antoine Clamaran. Action. Thank you. apron, see what I got. My dish is ready. I am so sweet. I know you're hungry. Why don't you eat? Something's brewing deep in my pot. Why don't you show me just what you got? Turn up the heat. Steam's in the air. We'll reach a boil. instant, c'était David West sur les platines. C'est un plaisir de vous avoir accompagné tout au long de cette fin de matinée. Et il est déjà l'heure de se quitter. Et bien sûr qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Il vient d'arriver dans les studios, il est en super forme. Voici tout de suite sur les platines de Galaxy, DJ Tom.